Le Père Goriot, d'Honoré de Balzac. Feuilleton en 10 épisodes. Adaptation et réalisation, Cédric Ossir. 6e épisode. Sur les conseils de Madame de Beauséant, Rastignac se rapproche de Delphine de Nucingen, la deuxième fille du Père Goriot, dans l'espoir qu'elle devienne sa maîtresse. Il confie ses aventures mondaines au vieillard, qui, trop heureux d'entendre parler de ses filles, intercède en sa faveur auprès de Delphine. La curiosité mena Rastignac chez Madame de Nucingen, tandis que, si cette femme l'eût dédaigné, peut-être y aurait-il été conduit par la passion. Néanmoins, il n'attendit pas le lendemain et l'heure de partir sans une sorte d'impatience. Le désir ne naît pas moins de la difficulté que de la facilité des triomphes. En faisant sa toilette, Eugène savoura tous ces petits bonheurs dont n'osent parler les jeunes gens, de peur de se faire moquer d'eux, mais qui chatouillent l'amour-propre. Il arrangeait ses cheveux en pensant que le regard d'une jolie femme se coulerait sous leurs boucles noires. Il regarda complaisamment sa taille mince en déplissant son habit. Il est certain qu'on en peut trouver de plus mal tourné. Puis il descendit au moment où tous les habitués de la pension étaient à table et reçut gaiement le hourra de sottise que sa tenue élégante excita. Un trait des mœurs particulières aux pensions bourgeoises est l'ébahissement qui cause une toilette soignée. Tournure de duc et père. Monsieur va en conquête. Voilà le cabriolet. Où dîne-t-il donc? Chez madame la baronne de Nucingen. La fille de monsieur Goriot. À ce nom, les regards se portèrent sur l'ancien vermicellier qui contemplait Eugène avec une sorte d'envie. Rastignac arriva rue Saint-Lazare dans une de ces maisons légères à portique mesquin qui constitue le joli à Paris. Une véritable maison de banquier pleine de recherches coûteuses, de stucs, de paliers, d'escaliers en mosaïque de marbre. Il trouva Madame de Nucingen dans un petit salon à peinture italienne dont le décor ressemblait à celui des cafés. La baronne était triste. Les efforts qu'elle fit pour cacher son chagrin intéressèrent d'autant plus vivement Eugène qu'il n'y avait rien de joué. Il croyait rendre une femme joyeuse par sa présence, et la trouvait au désespoir. Ce désappointement piqua son amour-propre. « Mais qu'avez-vous ? » ?»« Ne vous le disais-je pas avant-hier ? Je ne suis point heureuse. Les chaînes d'or sont les plus pesantes. » Quand une femme dit à un jeune homme qu'elle est malheureuse, si ce jeune homme est spirituel, bien mis, s'il a 1500 francs d'oisiveté dans sa poche, il doit penser ce que se disait Eugène et devient fat. « Écoutez, si vous avez des chagrins... il faut me les confier. Je peux vous prouver que je vous aime pour vous. Eh bien, je vais vous mettre à l'instant même à l'épreuve. Allons. Venez. Eugène crut rêver en se trouvant dans le coupé de monsieur de Nucingen à côté de cette femme. Au Palais Royal, près du Théâtre Français. Allez. En route, elle parut agitée et refusa de répondre aux 1000 interrogations d'Eugène qui ne savait que penser de cette résistance muette. Êtes-vous disposé à m'obéir? Aveuglément. Êtes-vous allé quelquefois au jeu? Jamais. Ah, je respire. Voici ma bourse. Prenez donc. Il y a 100 francs. C'est tout ce que possède cette femme si heureuse. Montez dans une maison de jeu. Risquez les 100 francs à un jeu qu'on nomme la roulette et perdez tout ou rapportez-moi 6000 francs. Je vous dirai mes chagrins à votre retour. Elle se compromet avec moi. Elle n'aura rien à me refuser. Eugène prit la jolie bourse, courut au numéro 9 après s'être fait indiquer par un marchand d'habits la plus prochaine maison de jeu. Il y monta et demanda où était la roulette. À l'étonnement des habitués, le garçon de salle le mena devant une longue table. Eugène, suivi de tous les spectateurs, demanda sans vergogne où il fallait mettre l'enjeu. Si vous placez un louis sur un seul de ces 36 numéros et qu'ils sortent, vous aurez 36 louis. Rouge. Eugène jeta les 100 francs sur le chiffre de son âge, 21. Faites le jeu, les jeux sont faits.